إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد رسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد تمام فقال المؤلف رحمه الله تعالى عن ثوبان رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخن يعني الخفاف رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. Donc il dit selon Thauban رضي الله عنه que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم avait envoyé la djinn Sariya, c'est comme une forme d'escadron, une partie de la troupe. Il leur a ordonné d'essuyer sur leur asa'ib, c'est-à-dire les ama'im, les turbans, et tassarin, c'est tout ce qui est autour le pied qui le réchauffe, c'est-à-dire les khifaf, les khouf. Le hadith rapporté par Ahmed Abu Daoud, il est sahih. Donc il dit mas'alatun al-mas'hu ala al-jawarib, l'essuyage sur les chaussettes. Il cita que une partie des gens de science ont vu la permission d'essuyer sur les chaussettes. Et parmi eux, parmi les sahaba, il y a Ali wa Ammar وأبو مسعود وأنس بن مالك وابن عمر والبراء بن عازب وبلال وأبو مامة وغيرهم. Et leur preuve c'est ce hadith. Pourquoi? Car le mot tassakhin, il a apporté une parole de Al-Khattabi qui dit que le sens de tassakhin, c'est tout ce par quoi le pied est réchauffé et recouvert. Tamam? Comme rouf ou comme chaussette. Est-ce qu'il ressemble? Donc malgré la présence d'un khilaf, la parole qui est la plus juste, bien entendu, c'est celle-là. Et c'est l'avis également de tous les savants contemporains. Il y a un nid que tu peux essuyer sur la chaussette. نعم والأكثر يقولون كذا والساوان de l'époque de notre époque aujourd'hui voient tous cela. Après il dit المسح على الجوارب الخفيفة, le fait d'essuyer sur les chaussettes qui sont légères. Ils disent que le fait d'essuyer sur les chaussettes légères, c'est le même jugement que sur les chaussettes épaisses. C'est pareil. Maintenant, il y a légère et légère. Car le but, là, quand on dit ta sarine, c'est une chose qui réchauffe ton pied. C'est-à-dire, il y a un genre de chaussette tellement légère qu'elle n'apporte aucun réchauffement au pied. Donc, cela ne rentre pas dedans. Mais tu as certaines chaussettes qui sont légères, qui, elles, prennent le jugement, qui font office de chauffage pour le pied. D'accord? Donc il y a légère et il y a légère. Du moins il y a légère, il y a très légère. Par exemple, ceux qui sont un peu comme les collants des femmes. Sur les collants que les. Enfin, est-ce qu'ils mettent ça encore aujourd'hui, je sais pas. Mais les collants, tu vois comment c'est? Des fois, tu as des chaussettes comme ça un peu. Ça fait très transparent. Ça fait voilà. Si elles sont pas trop transparentes et quoi, tu peux. Si c'est trop transparent, que vraiment c'est léger, léger, léger. Celle-là, il y a un KLM. Non. Parce que chez elles, elles sont pas toutes pareilles. T'en as, elles sont très très très légères. Même le pied est presque apparent. Et d'autres, tu vois, sont. Voilà quoi. Après, Dimas Allah. El Mashu, El Koufazain, ou El Burkwa. Le fait d'essuyer sur les gants, sur le Burkwa. Parce que la femme, elle porte son visage qui laisse ses yeux apparaître. Ce qu'on appelle le niqab. Et cela, bien entendu, mais ajouz. Il apporte une parole de Al-Nawawi. Il dit que pour les mains, il n'y a pas de criesse des pieds sur les mains. C'est pas demain quelqu'un, par exemple, il a des gants. Et s'il a des gants, pour l'odo, il aura du mal à faire l'odo. Parce que dans l'odo, il y a le lavage des mains. Donc comment il fait? Tu vois comment il fait? En tout cas, il n'y a pas de criesse. Et le burqa, pareil. Si il y a une femme à le burqa, son visage, elle l'enlève pour laver son visage en faisant le dos. Naam. Taïeb. Après, il dit Mas'alatun al-mas'hu ala al-lafa'if. Le fait d'essuyer sur des bandages. Il rapporte une part de Cheikh Issam Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qui dit que le Khurasa, les bandages sont plus en droit encore d'être pris comme de faire le masque dessus que les chaussettes. Car déjà, ils font office de chaussettes d'une part, et de part, c'est un bandage, c'est que tu as un besoin, c'est que tu es blessé, tu as quelque chose. Quand même, on parle d'un bandage qui prend une bonne partie du pied. Donc il dit, demain, tu as par exemple ton pied bandé pour une blessure quelconque ou quoi, le pied bien bandé, tu peux essuyer dessus. À condition que le bandage ait été mis, comment ? Que tu aies lavé tes pieds avant. Allez, voilà. Maintenant, on parle de bandage. C'est pas genre un bandage genre, qui prend juste, par exemple, ça. C'est, qui prend bien le pied comme une chaussette le ferait. Ou un rouf. Même si c'est quelques parties ouvertes, la baisse. Ce qu'on avait pris la dernière fois, que les chaussettes déchirées, par exemple, c'est un truc. On est certain que les sahabas, ils devaient en avoir. Maintenant, si c'est un bandage qui fait juste cette partie-là du pied, par exemple, ou cette partie, le talon avec la cheville, ça compte pas. On parle d'un bandage qui entoure bien le pied, quand même. Une bonne partie du pied, quand même. Comme si c'est pas tout, une bonne partie du pied. Pareil. Après, cita. Al-Hadithu al-Sittun. An Omar. Mawkoufan wa an Anas marfou'an. Iza tawadda'a ahadukum wa labise khuffayhi. فَلْيَمْسَعْ عَلَيْهِمَا وَيُصَلِّي فِيهِمَا وَلَا يَلْحَلْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنَ الْجَنَابَةِ. Donc il dit, sur le Omar, Mawkoufan, c'est quoi Mawkouf? C'est la parole de Omar. C'est-à-dire c'est le hadith, il s'arrête à Omar. Wa marfou'an, Anas, c'est quoi marfou'? C'est quoi marfou'an? قال عن عمر موقوفا وان انس مرفوعا فاجئ quoi c'est-à-dire Omar ce qu'il a dit c'est bien de lui Omar est-ce que Anas rapporte c'est bien de qui du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam non que si l'un d'entre vous fait l'odo et qu'il enfile ses khouf alors qu'il les suit dessus et qu'il accomplit sa salat avec ses khouf et qu'il ne les enlève pas s'il veut, hormis pour la janaba. D'accord? Pour l'état de pureté, d'impureté à fouine majeure. Le hadith rapporté par Dal-Kotni. Et il est authentique. Les deux versions. Donc là, il dit que ce hadith-là renferme les mêmes sujets que ce qu'on a cité hier, dans le hadith d'hier, par rapport au tawqit, la durée, ainsi de suite. Taïeb. Là, il y a un truc que je voudrais ajouter, une masala importante qu'on n'a pas citée et que le chien n'a pas cité. C'est une masala qui est importante. C'est quoi? Si jamais tu fais l'odo, bien comme il faut, tu laves tes pieds, après tu enfiles tes roufs ou tes chaussettes. T'as même? Après, tu n'as pas perdu l'odo. Tu enlèves tes chaussettes. Ou tes rouf. Tu as toujours au dos. Et après, tu les remets. Par exemple. Là, tu perds le dos. Peux-tu essuyer dessus? Tu perds le dos après avoir mis la deuxième fois. Ouais. Après l'avoir remis. Tu perds le dos après l'avoir remis. Ouais. T'essuies dessus? Ouais. Non, parce que tu es en jugement de celui qui les a enfilés en étant de purification. Maintenant, il y a un ishkel dans les hadiths qui dit qu'il ne faut pas les enlever. Là, il y a le halhuma. Le hadith de Safwan, Nu'assal, Alan Nanza'a Khifafana. Sur les voyageurs ou quoi, qu'on n'enlève pas nos khifaf. Où est l'intérêt de mettre cet ordre, de ne pas les enlever? C'est que en les enlevant, par exemple, on prend le même exemple, tu fais le dos. D'accord? Comme il faut, tu laves tes pieds, tu enfiles tes roufs ou tes chaussettes. Quand même. Après, ahdefta, tu as perdu le dos. Tu refais le dos. Tu essuies sur les chaussettes ou sur les roufs. D'accord? Après, tu les enlèves. Après, tu les remets. Après, tu perds le dos. Est-ce que tu peux essuyer dessus maintenant? Naam, mais tu les as enlevés. Après avoir déjà eu un irdef. Et c'est ça l'intérêt des hadiths qui disent qu'il ne faut pas les enlever. Al-Ananzara, Khifafana, ne les enlève pas. Car si tu l'enlèves après avoir fait un irdef, même ton tahara, le masque, il ne compte plus. Tu n'as pas perdu le dos. Tu as toujours le dos. La salane. Vous voyez? Mais si tu les enlèves, tu ne peux pas réussir dessus. Donc on redonne l'exemple. Tu fais le dos comme il faut. Tu enfiles tes chaussettes. Quand même. Tu fais une salade. Après, tu perds le dos. Ah non, c'était Zor, tu as fait Zor. Après Zor, tu as perdu le dos. Quand même. Tu as perdu le dos. Le Asar, il vient. Tu fais le dos. Tu essuies sur les chaussettes. Là, tu ne les as toujours pas enlevées. Hein. Tu essuies dessus. La fait mouche qui est là. Tu fais le Asar. Quand même. Après la Asar, la Salène, tu enlèves tes chaussettes. Est-ce qu'on enlève les chaussettes, tu parles au dos? Non. On a bien dit. Ce n'est pas un Akid. Ce n'est pas un Najis. Cependant, si après tu veux les remettre, on dit que tu les remets par exemple pour le Maghreb, et tu refais le dos, tu ne peux plus essuyer dessus. Tu dois refaire les ablutions complètement. Si tu les as perdus, non, tu n'as pas perdu les ablutions, tu peux faire le Maghreb. On dit que tu as perdu les ablutions après. D'accord? Et ça, c'est une photo de Cheikh Othaymin qui rapporte, et il dit. À la base, que le fait de refaire le masque dessus, il dit, la base, c'est ça qu'elle aime qui est qu'oui. Mais je connais personne qui m'ait procédé à dire cela. Et j'ai dit, dans ce que j'ai cherché, je trouvais personne qui dise que, après avoir perdu le dos, d'accord, refaire le dos, essuyer sur les chaussettes, et après les enlever, et après les remettre, et après vouloir rester dessus, il a dit non. Bien qu'à la base, ça paraît très logique. Car t'as pas perdu le dos. Quand tu les as enlevés, t'avais le dos encore. Mais le dos que t'avais, c'est pas le premier. D'accord, c'est pas le premier. Donc il dit, c'est un col qu'on oui à la base. Si quelqu'un l'avait dit avant moi, j'aurais pris ce col là, il a dit. Je voyais personne qui m'a pris. Donc, je reste sur l'apparent que le hadith, il a dit faut pas les enlever. Donc si on les enlève, la phalène, et qu'on veut les remettre, on les fait dessus. Donc, t'as bien compris la différence. Pareil. Par contre, Cheikh Ibn Baz, lui, il voit que, à partir du moment où tu les as enlevés, c'est un akid de l'odo. Même t'as l'odo, t'as enlevé, khalas, t'as perdu l'odo. Il voit comme ça. Et apparemment, c'est le mazhab de Hanabila. C'est le mazhab Hanbalit. Il voit comme ça. Que enlever les chaussettes, les roufs, même t'as l'odo, c'est fini. T'as perdu l'odo. Est-ce qu'on l'a les mardoud? Bien entendu qu'il t'a pas pris. C'est pas un enquête de l'odo. Pas mal? Taïe. Donc c'est une masala importante à citer. Après, il finit par deux hadiths dans ce bab-là. On cite les hadiths, mais tous viennent au même sens. Qui est lié au tawqit, à la durée. Et qui est lié Tawqif, c'est-à-dire combien de temps tu peux les garder, les enlever. Et au bout de combien de temps tu peux essuyer ou pas essuyer. Donc il n'y a rien de nouveau. Là, juste on cite les hadiths. Donc il dit عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما أخرجه الدارقطني والصحاح بن خزيمة والحديث صحيح بشواهد والحديث 62 عن أبي بن عمارة أنه قال يا رسول الله أمسح ولا الخفين قال نعم قال يومان قال نعم قال ويومين قال نعم قال وثلاثة قال نعم وما أشت أخرجه أبو داود وهذا ضعيف قال ليس بالقوي donc le premier c'est de Abu Bakr qu'il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il a autorisé aux voyageurs de garder ses khouf 3 nuits et 3 jours et pour le résident 1 journée et 1 nuit si jamais il a mis il s'est purifié qu'il a enfilé ses khouf qu'il puisse essuyer dessus ça lui permet akharajou de la kotni le hadith est sahih ça reste ce qu'on a dit auparavant et deuxième de Ubay ibn Imara, c'est pas Abi, c'est Ubay. Qu'il ait dit, ô messager d'Allah, est-ce que j'ai su sur mes khouf? Il dit, oui. Il dit, un jour, il dit, oui. Il dit, et 2 jours, il dit, oui. Il dit, et 3 jours, il dit, oui. Et ce que tu veux. Et le hadith, on l'a cité hier. Abu Daoud, qu'il est faible. La fumada. Donc ça, c'était ce qui concernait le masque sur les khouf. C'est un sujet qui est facile, alhamdoulilah. Et voilà. Et ça, c'est parmi justement le théisir de la religion. Parmi les choses qui sont une facilité en religion. Parmi les règles qu'on a pris, al-mashakka, tajlib et théisir. Donc de là, on a fini, bab al-mas al-khufayn. Bifadlillah. Wa minghal sanatkurfi, bab nawakid al-wudu. Dans les annulatifs de l'wudu. Ma'afoum min hada. Wa ilahuna, wa alhamdoulilah, rabbil alamin.